foncez là-bas et puis on se retrouvera dans quelques 30 à 45 minutes. Merci beaucoup à tout à l'heure. Thank you. Yeah.